Chapitre 3e. Avec une police aussi vigilante que celle de Don Pedro, un tel meurtre ne pouvait rester ignoré, et il était impossible que son auteur échappât longtemps aux recherches et aux châtiments. En effet, Pérez ne tarda pas à être arrêté. L'instruction se fit avec une extrême rapidité, Gilles l'ayant tout avoué sans hésitation. Les magistrats, ne tenant aucun compte des circonstances qui diminuaient la gravité de son crime, le condamnèrent à être pendu. Sa prison fut impitoyablement interdite à tous ceux dont le malheureux était aimé. En vain sa mère erra le jour et la nuit devant les sombres murailles de son cachot. En vain Julietta essaya de toucher par ses pleurs le cœur de fer des geôliers. En vain Gomez voulut parvenir jusqu'à Pérez pour solliciter son pardon de l'infortuné qu'il avait poussé dans l'abîme. Tout échoua devant une consigne barbare, et Gilles dut chercher en lui-même la force de supporter cette horrible solitude à laquelle le bourreau seul devait l'arracher. Cependant, l'arrêt de mort ne tarda pas à s'ébruiter dans ses vies. Instruit de cette affaire, le roi, curieux d'en connaître les particularités, ordonna qu'on conduisît le condamné en sa présence. Don Pedro, jeune alors, dans la première période de son règne, pur encore des excès et des cruautés qui, plus tard, vinrent déshonorer sa mémoire, se piquait d'une grande vénération pour la justice. Gilles se présenta devant Don Pedro, calme et froid, sans jactance comme sans faiblesse. « Tu es accusé du meurtre de Don Henriquez, » lui dit le roi. « Je l'ai commis. Pour quel motif ? Pour venger mon père indignement assassiné. Don Henriquez était noble. Don Henriquez était homme. » Et en quelques mots, avec ces accents de sincérité qui ne peuvent partir que d'un noble cœur, Gilles conta son histoire à Don Pedro, les raisons qu'il avait décidées à la vengeance, la manière dont elle s'était accomplie. Gilles fut éloquent, persuasif et vrai. Le roi cependant ne manifesta aucune émotion, ne laissa échapper aucune marque d'intérêt, aucun signe de sympathie. Mais se tournant vers le primaire à Sermente, « À quelle peine, demanda-t-il, fut condamné naguère le meurtrier d'Antonio Pérez. À s'abstenir du cœur pendant une année. Don Pedro fronça les sourcils. « Par Saint-Jacques, s'écria-t-il, la loi ne saurait admettre de différence ni connaître de privilégiés. Nous cassons l'arrêt du chapitre et nous condamnons le fils du cordonnier à s'abstenir de faire des souliers pendant un an. » À ces paroles si peu attendues, à cette grâce soudaine et inespérée, le visage de Gilles pâlit, ses jambes chancelèrent, il tomba sans connaissance aux pieds du roi. La joie tue comme la douleur. Mais Gilles apparemment ne voulut pas mourir. Quand il revint à la vie, après un évanouissement de plusieurs heures, il se trouva transporté à l'ombre des poétiques montagnes de la Sierra Morena, sur les rives fleuries du Guadalquivir, devant la petite maison de Gomez, en face du ciel et des flots qu'il n'espérait plus revoir. Il entendit la voix rude du pêcheur qui disait « « Tu es un brave jeune homme, Gilles. » La voix reconnaissante de sa mère qui disait « Sois béni, mon fils. » La douce voix de Julietta qui disait « Prions Dieu, mon époux. » C'était « Une vengeance » par Bénédicte Gallet.